de Seigneur. Alléluia. Bona kuyemba monsantu yo zali. Père, ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Bona na pate o fandi na wende. Afin que je puisse sentir ta présence. Obika bambeka ya motuya bona. Aide-moi à te reconnaître et t'adorer, Seigneur Jésus. En reconnaissance de tes émerveillements, mon Dieu. Alléluia. Bona kuyemba mon santu yo zali. Mwana na pate ofanzi na ngwende. Obika bambeka ya motuya ponanga. Topusani que j'ai à cœur souffrir, je vais mélanger soyez les français ou français pour me permettre de danser. C'est très important ce que nous allons voir ces trois jours. Mais avant de commencer, j'ai à cœur que nous fassions quelque chose. Tous ceux qui sont de ce côté, les deux rangés ici, vous allez lever la main vers la porte qui est là, la porte de Moussonneuil. Vous levez les mains. Nous voulons faire une prière pour dire « Porte, élevez vos linteaux » et nous annulons tous les complots de l'ennemi sur cette porte-là. Ceux qui sont au milieu ici, vous levez les mains, vous vous tournez vers la porte centrale. Tournez-vous, levez les mains vers la porte d'entrée. Et ceux qui sont de ce côté, ils se tournent vers la porte ici de Cadel, plus la barrière. Vous dites, aujourd'hui, nous déclarons ouvertes ces portes, nous élevons les linteaux et nous annulons tous les complots de monde des ténèbres aux portes. Bien-aimés, la victoire où la défaite se joue aux portes. Nous aurons le temps, pendant les trois jours, de faire un combat aux portes de l'Église. Beaucoup de choses se jouent aux portes et nous allons prier. Nous allons prier pour détruire tous les combats aux portes de cette Église au nom de Jésus-Christ. Élève d'abord, commence à prier. Commence à prier. Vous citez les portes. Chaque groupe cite les portes. Pour que le ce soir, j'ai détruit au nom de Jésus tous les combats qui se font aux portes de cette église. Avec puissance et autorité. Les portes, les barrières de cette église. J'anéantis. Et j'ai détruit les combats, tous les combats qui se font aux portes de l'église, la porte principale, les portes de quatre missions, les portes de cadets, partout elles amènent spirituellement, j'ai détruit au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire prie, prie, prie bien aimé. C'est un combat aux portes. Avec puissance et autorité. C'est un combat aux portes de l'église. Nous détruisons tous les combats qui s'approchent aux portes de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai détruit tous les plans des ténèbres. Porte, levez-vous. Levez-vous, portails éternels. Levez-vous. Les portes spirituelles. C'est à vous que je m'adresse. Laissez passer le peuple de Dieu. Laissez passer les âmes que tu as préparées. Tous les complots de l'ennemi. Tous les complots de la magie. De la sorcellerie. Des blocages. Je les détruis. Je les détruis au port de l'église. Je sanctifie les ports de l'église. Seigneur. Alléluia. Père, merci. Parce que tu nous donnes la victoire au port de l'église et au port de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons enseigner des choses très importantes. Et je nous encourage à aimer les enseignements, à pratiquer les enseignements. Tu ne peux pas aller dans la vie au-delà de ce que tu connais. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, on ne peut pas aller au-delà de sa connaissance. C'est-à-dire, si tu veux aller plus loin, tu dois avoir la connaissance qui va te propulser à cette dimension-là. Donc, mon maïsha, awene kwenda mbari ili onajua. Na kama Mungu yuko na plan na we, anapata kukupeleka, kukuprepare, kukufundisha, bili vita kufikisha pele kipimo. Et c'est le travail que Jésus a fait avec ses apôtres. Et c'est le travail que nous faisons. Et c'est très important pour cette église. Même chasser les sorciers, même les combats spirituels, bien-aimé, tu ne peux pas combattre au-delà de ce que tu connais. Même la richesse. Oh, c'est pourquoi je vous encourage à aimer les enseignants. Alléluia. Donc, moi, 3 jours, j'aimerais enseigner sur la délivrance, la victoire par la trompette, la cruche et le flambeau. 3 armes. Malheureusement, on a mis ça en petit, ce n'est pas visible dans le picture ici, dans l'affiche. Mais il faut ressortir ça. Je vais expliquer l'importance de ces 3 armes. Et vous allez comprendre. Il y a certaines armes, quand tu les possèdes, tu es déjà dans une bonne position pour la victoire. La trompette, la cruche et le flambeau. Juges chapitre 6, verset 14, notre thème de l'année. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Délivre Israël de la main de Madian, moi qui t'envoie. Verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. Donc Dieu a dit à Gédéon, et Gédéon lui dit, si tu veux délivrer Israël par ma main, Mouman a bien Gédéon, va avec la force que tu as. Et Gédéon dit à Dieu, comme on a peine à mis Gédéon, ni délivrer Israël, voici ce que moi aussi je te demande. Ici, qu'est-ce que je retiens? Dans une famille, dans une église, dans une nation, c'est Dieu qui choisit l'acteur ou les acteurs pour apporter la délivrance. Alléluia. Moukani Safoulane. Moujama fulani, Moumoukini fulani, Oula na chakula ka bantu, bale banana taleta délivrance, ni Mungu yepeke. Alléluia. Banana komiza la ba 12 mo famille. Mais où la taleta délivrance ile kizazi. Ni Mungu tata muchakula. Alléluia. Vous pouvez être à 12, à 10, à 20, à 30. Oh bien-aimé, nous pouvons être tels que nous sommes dans l'église. Mais Dieu peut pointer quelqu'un qui va apporter la délivrance de cette église. Il y a des familles. C'est pourquoi dans la famille, ne ratez pas de trouver même une personne qui va sauver votre famille. Alléluia. Nous voulons enseigner ces choses. Je vais poser vraiment aujourd'hui, malheureusement je n'ai pas d'interprète, j'essaie de faire les deux, il n'y a pas de souci. Mais suivez des enseignements très, très importants qui vont changer notre vie. Qui vont nous changer. Maintenant, lisons 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, versets 15 à 17. 2 Chroniques 20. Et Jekaziel dit : Toi, Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ça, on a déjà vu le dimanche. Dieu a dit, les craintifs, renvoyez-les. Dans l'armée de Dieu, Dieu n'aime pas les craintifs. Dieu ne travaille pas avec les craintifs pour la délivrance. Les gens que Dieu choisit pour la délivrance, ni pas toi, avec quelqu'un n'a boca. Pourquoi? Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sith et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Mungu a répété les mêmes choses, il a répété avant. Alléluia. Principe numéro 1. Chaque fois qu'il s'agira de la délivrance, quelque part dans ta vie, il y aura un combat à engager. Chaque fois qu'il s'agira de la délivrance, et pendant ce temps, je prie pour cette église, il y aura un combat à engager. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta famille, dans l'église, chaque fois qu'il s'agisse de la délivrance, il y a un combat à engager. Deuxièmement, tout combat engage des armées. Bukonvi bote mu maisha bunangazaka majesi. Donc, premièrement, quand on parle de délivrance, il y a un combat. Maisha yako etoka délivré comme on fait un combat. Et maintenant, quand on parle de combat, ça signifie qu'il y a des armées engagées. Il y a des armées célestes et il y a des armées terrestres. Vita yote, Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, vita yote, il engage à mbingu na dunia. Comme il a dit mbingu, ni mbingu ya mungu, na mbingu ya shetan, na dunia. Donc en fait, il y a trois armées. L'armée de Dieu, l'armée de l'ennemi et l'armée terrestre. Trois armées pour chaque combat de ta vie. Et quand tu livres le combat de ta vie, tu n'as pas d'autre choix. Je vous donne un exemple. Je suis dans 2 Rois au chapitre 6. Les Syriens réalisent qu'il y a un problème. Tous leurs plans sont détruits par un monsieur qui s'appelle Élisée. Le roi de Syrie dit, allez le prendre à Dothan, prenez-le. Bandoukou, il y a un principe dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que vidayote ya mingi mu Biblia. Parce que la parole de Dieu ne change pas. On cherchait le plus fort famille. Vous avez remarqué, Mingi, c'est lui qu'on appelle soutien de la famille. Vite ne kalaka ni pak. Soutien yandoa. Vite ni pak. Pasteur Wakanisa. Vite ni pak. Alléluia. Même si, c'est pourquoi vous devez prier pour les maisons des pasteurs, pour les vies des pasteurs. Il y en a au lieu de prier. Non, bien aimé, David veut aller à la guerre contre Absalom. Joab lui dit, non, pas question, tu restes. Tu vas nous compliquer la vie. Quand nous serons sur les champs de bataille, toute la bataille sera concentrée sur toi. Ça va nous compliquer. Écoutez, Goliath en a tokaye mounyewe dans le rang des Philistins. David en a tokaye mounye mourant ya Israël. Oule anawin anamupika Goliath anabeba bote ba Philistins anabawin. Oule anamupika David anabeba bote ba juif ba israélien anabawin. Finalement, le combat entre deux personnes engage deux nations. Pourquoi? Parce que ces gens-là représentaient les nations. Parfois, ce n'est même pas le roi. Le roi Saül n'était pas là. Kamatou voulait s'engager en akoufwa. Kizazi kiote bate kiwa au fur et à mesure. Kama ule baba ule muyomba na kufa, batamaliza kizazi kioti. Pourquoi? On a représenté et qu'on a protégé délivrance ya kizazi. Et Jésus-Christ, on frappera les bergers et les brebis seront dispersés. Et quand Jésus a eu des problèmes, voilà, vous avez compris. Je vous dis, c'est un principe spirituel. C'est pourquoi Mukizazi, il est préférable que Oula n'a quoi supporte la Kizazi. A quoi Muntu à Maombi, à quoi Muntu à Mungu. Oula n'a quoi supporte la Kanisa. Intercesseur, ne manquez jamais de prier pour lui. Jamais. C'est vrai, il n'y a personne qui est indispensable, c'est vrai. Mais la vision sera perturbée. Beaucoup de gens pensent tel qu'ils pensent. Regardez très bien, dans les familles, des ordres qui arrivent quelque part. Priez pour vos parents, priez pour vos pères. Attendez, c'est un nom, milliers, etc., etc. Non, non. À plusieurs moments, j'ai croisé des personnes en état grave. Je parle avec ces personnes, je parle avec leurs épouses. La femme me dit, papa, j'ai assez mes tout, hein? Un de tout, à Pana, un de tout. Munga de tout ça, il dit. Je pose la question, où est-ce que je suis? Laissons le temps à Dieu. Il est parti. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Malgré Kouomba Mungu. Parce qu'il y a certaines choses que nous devons enseigner. C'est comme ça qu'on dit qu'on doit enseigner l'Église. C'est comme ça qu'il faut laisser le temps de Dieu. Ça, c'est parce que j'ai connu Yababab. Sûrement qu'il y a aussi des cas Yabamam. À Kendenaye, ça ne serait pas comme avant. Donc, tout combat met les armées en jeu. L'armée de Dieu, l'armée de l'ennemi et une armée terrestre. Et chaque fois que tu parles de délivrance, comprends que tu as un combat à livrer. Même Jésus-Christ, on lui posait ces questions. Dans Actes chapitre 1, verset 6, les disciples vont dire à Jésus, « Seigneur, c'est maintenant que tu vas établir le royaume de Dieu ?» Ou « Je suis prêt à prendre les armes. » Quand Jésus devait aller à Gethsemane là avec les pierres, il a même demandé, vous avez combien d'armes? On dit, bon, épée, non, c'est suffisant. Et Pierre a même utilisé son épée. Hein. Quelque part, il y a toujours un combat à livrer quand on parle de délivrance. Ok, ça, deuxième étape. J'ai 5 pages. Malheureusement, j'ai fait français et anglais. Mais il faut que je termine aujourd'hui parce que demain, c'est une autre matière. Enseigner comme ça toute la semaine. Troisième chose. Jésus, dans Juges chapitre 7, verset 16. Juges chapitre 7, verset 16. Écoutez. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Mungu arinishangaisha. Parce que c'est... On a vu le dimanche une armée de 32 000 personnes. Mungu a éliminé en Abakana 300. Moins du dixième, moins du centième. Et on a dit le dimanche que victoire Moumaïcha n'est pas fonction des moyens que toi tu as. Mais victoire Moumaïcha yako, il que fonctionne à ma moyen, il est Mungu à ta disposition. Alléluia. Ok, je ne vais pas revenir sur ça dimanche, on reviendra plutôt le dimanche. Mais ici, c'est que je comprends. Dieu choisit une armée de 300 personnes. Anabambiasema, prenez les trompettes, les cruches et les flambeaux. Pourtant, il y a des moments où Dieu leur dit, prenez les chars. Il y a des moments où Dieu dit, prenez les épées. Ça signifie quoi? Chaque combat a ce type d'arme. Ok? Qui la combat Moumaïcha? Il n'a pas ma arme spécifique yayo. Aïna ma arme yote, kuma vita yote. A acha Mungu akupatie masila, ma arme ile nafa par rapport à vita ile onakuya nayo. Vita ya Gédéon aina vita ya David. David arrivait ma ibwe. Gédéon arrivait ma trompette. C'est dangereux d'imiter les gens dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. N'imitez pas. Même dans la famille, même dans les églises. Marathon, marathon. Course, course. Montez, montez. Frère, qui l'a monté dans la vie yake, dans ma arme yake, le mungu atabopatia. Mukoyako ye ni pas anniversaire par en cours. Mita kure ndakala. Alléluia. Amen. Utérité soit. Mukoyako na vita yake na ma arme yake. Na secret yake. Ye na Mungu. Mina biangu na vita yangu na secret yangu na Mungu. Non. Et les enfants, parfois, ils nous compliquent. Hein? Non, bah, ils ne sont pas en train de se faire. Chaque type de combat exige ce type d'arme. Mais quel est le point commun de tous les combats dans la vie des enfants de Dieu? Avant que, jusque-là, Michel Anzakou développe. Il est ma point, nous comme ma préambule, nous comme ma action, ma hypothèse. Il était tout ça, il dit qu'on comprendre tout ça son bourrier. Mais il y a un point commun dans tous les combats. Le point commun, c'est 1 Timothée chapitre 6 verset 12. C'est ça le point commun, on peut nous mettre ça. Dans tous les combats des enfants de Dieu, 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Tous les combats de Dieu sont les combats de la foi. Ma combat yote ya Mungu. Kama Mungu na kuambia ufanye combat, mumaisha yako. Comme on a pas un combat, maïsha. Tous les combats de Dieu, tous les combats de nous, enfants de Dieu, sont des combats de la foi. Finalement, la foi, c'est quoi? Et si la foi, ce n'est pas une ferme assurance, hein, des choses qu'on espère, hein? Ça, c'est la définition de la foi. Dans Hébreux chapitre 11. Donc, le combat de la foi, c'est des combats à risque. Mais les risques, tu les mets sur le compte de Dieu. C'est des combats où tu as une pression plus grande que tes moyens. Mais tu ne comptes pas sur ta force. Tu comptes sur la force de Dieu. Rappelez-vous dimanche. Mungu na mwambia Gédéon. Dieu dit à Gédéon. Peleka bantu bote ku bantu bote. Wa boka. Wa kusikia boka tout ça arudi 32 000 personnes et plutôt 22 000 sont partis. Peleka tena kumai bale batalambula mai saba ba imbo joba bien bale bate kala. Ça bante. Donc, quand on fait tout ça, Muntu, mon combat est à Mungu. Tu n'es pas prêt. Le combat dans la vie chrétienne ne te comporte pas comme un homme. Le combat dans la vie chrétienne fait ce que Dieu demande de faire. C'est ça le combat de la foi. Alléluia. Mungu asifiwe. Les trois armes à disposition de Gédéon. On a vu Première arme, la trompette. Deuxième arme, la cruche. Et nous allons voir chaque arme. Maintenant, ce que j'aime dans les armes que Dieu a données à Gédéon, oh bien-aimé, ou qui qu'on a envie de mon maïcha, ta fouta ma arme le mungo ta kopacha le wakati. Comment tu m'engages à engager ka bidiabo, force yabo, banauza ma bunduki, banauza mai, banauza nid, tout ça c'est bien. Mais quand tu as des combats dans la vie, écoute le Seigneur. Nous avons dit ça, c'était le premier principe. Dieu dit. Donc savoir discerner la voix de Dieu. Savoir discerner la voix de Dieu. Il m'a armé mon patient Gédéon. Vous allez le voir. C'est ce que Dieu a dit à Josaphat. On a lu ça dans Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques 20. Ni ma arme, comme on a itumikia, ou t'as dû présenter Pâques. Le reste d'affaires, Mungwanadu. Alléluia. Ce sont des armes. Le ciel. Dans tes combats. Tu vas te présenter et descendre. Les anges descendent pour livrer bataille à ta place. Josaphat regardait. Les ennemis s'entretuaient entre eux. Gédéon regardait. Oh bien-aimé, à un moment donné, Mungwa nakwa namambia Gédéon. Anamambia Yves. Je sais que ba soldat, tu as peu de soldats. Ouna ba soldat qui dok. Ba ennemi beko ba mingi san. Mais mita ku fortifié. Kumbi, prends ton serviteur Pura. Ende akashiki. Bien aimé, à un moment donné, c'est cette semaine quand j'ai préparé ça, j'ai dit, kumbi wakati moya, tu sens que mina choka, mina kwa décourager mobitu fulani. Ouna mambia paka mungu. Mungu, unipache kwa kakinto mwaka kuni, kuni la mousako. Bien aimé, Dieu travaille comme ça avec les hommes. Na mina omba mangaribi ya leo. Kama waja kulekea, Mungu afanye kwa kakinto kwa kakulamusha katika jina la Yesu. Alléluia. Ça peut être un signe. Ça peut être une parole. Pura anenda. Anashikia ndoto. Anakuwa anamwambia Gédéon sema ndoto mimi nashikia Mungu acha kutupatia abantu. Haleluya. Oh Ijuma, utapata nouvelle, habari ile itafortifier maisha yako katika jina la Yesu. Dieu travaille comme ça. Dieu aime nous atuna ba malaika. C'est ça. Il y a des gens qui veulent se transformer en malaïka. Non. Quand on a fait quoi malaïka, ou t'as tiché quoi baba. Atuna, pas malaïka. Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu vient te fortifier avec sa parole. Pour un moment bien, j'ai dit, ah, ok. Kumbi, tu es né mon vita. Sans, on a divisé en trois. Moubebeni, ma trompette, ma cruche et j'ai flambeau en Swahili, c'est quoi? Flambeau en Swahili. Bendera. Nara, merci beaucoup. Nara. Flambeau. Alléluia. Nous commençons à parler des trompettes. Trompette en Swahili. Baragoum. C'est ça? Ça, au moins, je connais. Ok. Première arme, baragoum. Trompette. Alors, je veux rapidement qu'on regarde dans la Bible là où on parle de trompettes. Et je commence dans l'Ancien Testament, Juges chapitre 3, verset 27. On va courir un peu la technique. Juges 3, 27. J'explique rapidement. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Donc, du temps de Juges, Ehud, le roi de Moab avait attaqué Israël. Et le juge a sonné de la trompette quand il a tué pour annoncer le début de la guerre. Pour annoncer le début de la guerre. J'ouvre une parenthèse avant que je n'explique c'est quoi la trompette. Dunia yote, même aujourd'hui, pas seulement de l'Ancien Testament, il n'y a aucune armée là où il n'y a pas de trompette. Alors, il faut se demander pourquoi. Il n'y a aucune armée sur la terre qui manque de trompette. Tous les militaires savent le matin, quand la trompette sonne, ce que ça signifie. Chaque armée a une trompette. Même l'armée de Dieu doit avoir une trompette. C'est quoi une trompette? La trompette symbolise la pratique de Dieu, premièrement. Deuxièmement, la trompette symbolise le jugement de Dieu. 1 Corinthiens 14, 8. 1 Corinthiens 14, 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Trompette! Banaweka kamo pumzi. Il est pumzi na kwa sauti yamu. Pour se préparer au combat, il faut sonner de la trompette. Deuxièmement, Josué chapitre 6, verset 20. Je prends seulement le verset 20, mais vous pouvez lire tout le Josué chapitre 6. Pour que la muraille de Jéricho tombe, Dieu leur a dit, le peuple va pousser des cris et les sacrificateurs vont sonner les trompettes. Jokibumbashi kitanguka. Oh, mangaribi ya leo. Kukubibumbashi bie bitanguka. Seulement, tu as trompé tout le temps sonné par Maïsha. Et puis, regardez comment Dieu fait. C'est pourquoi il m'a arme. Nécessairement, chaque combat a ses armes. Chacun a ses armes selon l'alliance avec Dieu. Kibumbashi ka Jericho, qui croit tellement mon maïk. Épaisseur, il y a kilomètres. Hauteur, impossible. Il ne pouvait pas pousser. Laisse Dieu libérer les anges qui vont bouger toutes les choses que toi, tu ne sais pas faire bouger. Et pour cela, tu dois avoir en toi la trompette de Dieu. La parole de Dieu. Le jugement de Dieu. Première arme, la trompette. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit Josué. La trompette a fait écrouler la muraille de Jéricho. Dans le Nouveau Testament, ça devient intéressant et extraordinaire. 1 Thessaloniciens 18, vous pouvez. Matthieu 24, 30 à 31. La trompette indique la venue ou la seconde venue de Jésus-Christ. Baragumitaria. Pra, pra, pra, pra. Watuote watamuona. Aina bantubote, hein? Tendre. Tout le monde n'entendra pas la trompette. Car le Seigneur lui-même a un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ la trompette. Nous allons le voir et le message d'aujourd'hui va nous amener, si tu dois arranger ta vie avec le Seigneur, fais-le bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Ok, je vais dire d'abord certaines choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. La technique, accompagne-moi parce que là je vais aller vite, mais c'est des choses où je veux parler de cette trompette de la fin des temps. Les sept trompettes d'Apocalypse. Oh bien-aimé, la fin arrive. Elle viendra sûrement. Il y aura sept trompettes qui vont sonner. Et les trompettes annonceront un changement de temps. Pour se préparer au jugement de l'Éternel. Et des messages comme ça, prie le Seigneur, arrange la vie avec le Seigneur pour écouter le son de la trompette. Ce n'est pas avec des oreilles physiques, mais c'est avec des oreilles spirituelles. Oh frères et sœurs, le monde ici passera. La sorcellerie te donne la joie pour un petit temps. Le péché nous donne la joie pour un petit temps. Le jugement de Dieu arrive. Les trompettes vont sonner. Chaque trompette annoncera un temps particulier. Et aujourd'hui, si Dieu a permis que je donne ce message, c'est, je comprends qu'il y a un temps particulier que Dieu veut annoncer à l'église sous féconde, que Dieu veut annoncer à chacun de nous. Il ne s'agit pas de l'épée, il s'agit des trompettes. Quand on sonne, rabouche. Dieu annonce un temps particulier. Il y aura sept trompettes. Les sept trompettes récapitulent l'histoire de tous les cycles prophétiques. Dans Apocalypse chapitre 6, on parle des six sceaux qui seront ouverts. Et dans le chapitre 7, on a ouvert le septième sceau. La technique, Apocalypse chapitre 8, verset 1er. On va y aller. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Les choses sérieuses, avant qu'elles commencent, l'Esprit nous donne le temps de réfléchir, le temps de méditer. Un silence d'une demi-heure dans le ciel a compris que les choses sérieuses et graves vont commencer. Le jugement de Dieu, le prince de cette terre sera jugé. La sorcellerie sera jugée. Le monde des ténèbres sera jugé. Et pendant que je parle, au nom de Jésus, que tout esprit de ténèbres dans ta vie soit jugé et englouti au nom de Jésus-Christ. Il y a un silence dans le ciel. Et la première trompette a sonné. Il y a 7 trompettes dans le livre d'Apocalypse. Première trompette, Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 7. Apocalypse 8, 6 à 7. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner, à sonner de ces trompettes. Verset 7. Le premier sonna de la trompette. Écoutez bien la première trompette, le premier jugement. Il eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre. Trompette à quoi n'a rien. Grêle dans moto. Grêle n'y a barit, moto n'y a moto. Enfin, je ne sais pas. Moto n'y a moto. Mais le tout mélangé du sang. Du dam wikamate mouzouri. Bana mélangé dans grêle. Résultat. Le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. La première trompette, un tiers de la terre a été brûlé. Le premier jugement. Deuxième trompette, mettez le verset 8 à 9. Deuxième trompette, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée, c'est-à-dire Yamoto, par le feu fut jeté dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Premièrement, tiers Yamayani, Yamichi, Nalungua. Deuxième trompette, le tiers de la mer devient du sang. Rappelez-vous, on n'a pas le temps, mais je vous renvoie dans Exode pour voir la plaie où tout le fleuve est devenu du sang. Dieu a commencé à juger les dieux de l'Égypte. Et là, avec les trompettes, Dieu est en train de juger les princes de ce monde des ténèbres. Troisième trompette, 10 à 11, toujours Apocalypse 8. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers de fleuves et de sources des eaux. Une étoile tombe du ciel. Si vous avez déjà lu, comme je suis habitable, il y a ma science et vie, on parle des attaques météorites. Vous avez quoi, Wakati? Bintu bia mumbingu, bitan sa kwanguka padunia. Pour juger le désordre sur la terre. Et quand nous voyons ces choses, pour ceux qui seront là, qui comprennent que la fin approche. Quatrième trompette, Apocalypse 8, 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de la même chose. Si je comprends bien, la quatrième trompette, quand on a sonné, l'ange a libéré pour obscurcir le tiers du soleil. Kutako wakati angiza padoni. Kama auna na Mungu. Ujua sema kutako wakati angiza. Le soleil, un tiers du soleil devient noir. Enfin, bon, maintenant, comme la lune n'a pas de lumière, c'est le soleil qui éclaire la nuit. C'est comme ça qu'on dit. Bon, déjà à l'époque, la Bible expliquait déjà ces choses. Comme la lune n'a pas de lumière, la lune est éclairée par la lumière du soleil, hein, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a étudié. Ce qui fait que si le tiers du soleil devient noir, le tiers de la lune aussi devient noir. Et comme c'est le tiers, donc sur la terre, il y aura un tiers dans l'obscurité, et de jour et de nuit. Frères et sœurs, il y aura l'obscurité et de jour et de nuit sur la terre. La trompette venait à changer nos vies, à nous repentir. Parce que si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas Christ, chaque fois qu'on sonnera une trompette, frère, ma soeur, arrange ta vie. Laissez le monde. Ça, ce sont les quatre premières trompettes. Les trois trompettes qui restent, ce sont les trompettes de malheur. D'ailleurs, avant même qu'on les sonne, mettez un peu le verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Dans ce contexte, je dis que les trois dernières trompettes, ce sont des trompettes de malheur. Oh bien-aimé, le temps de revenir à Christ. Bon, je dis que ce sont des choses qu'on ne prêche pas beaucoup à l'église. Hein? Mais je me suis dit, nous devons. Je ne vais pas enseigner comme en théologie, là. Non, non. Je donne des flashs, mais que nous puissions comprendre que c'est important. Je donne les sept trompettes et je récapitule. On va s'arrêter pour prier. La cinquième trompette, Apocalypse 9, 1 à 4, on ne va pas lire, vous pouvez noter. Une étoile tombe du ciel et ouvre le puits de l'abîme. Or, dans le puits de l'abîme, il y avait des problèmes. Il y avait des sauterelles. Il y avait des mauvaises choses pour attaquer la terre. C'est maintenant le moment. Bien-aimé, n'attends pas ce moment-là. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Christ. C'est maintenant. Et on donne tous les malheurs. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 4. Vous pouvez même aller un peu plus loin. La La sixième trompette, Apocalypse 9, 12 à 7. Voici encore, il vient deux autres malheurs. 13. Apocalypse 9, 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, suivant, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Suivant, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Regardez la précision. Bon, on ne va pas le temps parce qu'on doit prier. L'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent, qu'ils tuent, ça c'est le subjonctif, le tiers des hommes. Verset suivant. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. J'en ai entendu le nombre. Verset suivant. Je vais revenir à quelque chose. Ainsi je vis les chevaux dans la vision, etc. Donnez-moi le verset suivant. En pas le temps. Le tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux. Il y a eu des fléaux. Verset suivant. Quand le pouvoir des chevaux était dans leur bouche, verset suivant. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux se repentirent par des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, etc., etc., etc. Rentrez un peu à Apocalypse chapitre 4 verset 9 toujours. Mettons les versets 5-6. J'ai commencé plus haut 5. Et leur fut donné non le pouvoir non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Verset 6, je vais expliquer tout ça rapidement. Ou le verset 4, je ne sais plus. Apocalypse 9, 4, mettez un peu ce verset. Je voulais combiner tout ça pour expliquer rapidement. Voilà, c'est le verset que j'ai cherché. Il leur fut dit de ne point faire du mal. De ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu ont commencé à souffrir. Et pour être sauvé à ce moment-là, ça ne sera plus par la foi. Ça sera par les œuvres. On te demande. On a mini Yesu. Hein? On est chica. Barayam totoko bana mutwanga mukino. On est déjà quoi mini Yesu? Ah, on a mukata la Yesu. Barayam mukono bana kata. Donc, il faut démontrer maintenant par les œuvres. Les martyrs. Au fait, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Mieux vaut croire maintenant et être enlevé au son de la première trompette qui va sonner. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Le martyr n'est pas facile. N'attends pas, bien-aimé. N'attends pas, c'est pour ta vie. N'attends pas. Et des moments comme ça, des messages comme ça, n'attends même pas qu'on fasse l'appel ou qu'on ferme les yeux. Tu passes devant, tu reçois Christ dans ta vie. Tu passes devant, tu arranges. Bien-aimé, c'est ta vie. Et si tu es là, n'attends pas. Passe devant, arrange ta vie. Les hommes que tu vois ne peuvent pas t'accompagner. Quel que soit leur amour, tu passes devant, tu arranges ta vie avec le Seigneur. Et Dieu connaissait. Dieu connaissait ta vie. Mais c'est aussi un jugement. Avant d'en arriver au jugement qui viendra, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. C'est bien de chanter, c'est bien de danser, c'est bien. Tous les moments que nous faisons, c'est bien. Mais si tu n'as pas le sceau de Dieu sur ton front, si tu as la marque de la bête, on n'a pas eu le temps, tu vas souffrir. On ne va pas te tuer. Tu ne mourras pas directement. On dit qu'on va te tourmenter. Les sauterelles vont te tourmenter. Les serpents vont te tourmenter. Le malheur va te tourmenter. Pour faire le martyr. Mais maintenant, c'est le temps de la grâce. Où je donne ma vie au Seigneur. Il pardonne mon péché. Si tu es là, avant qu'on puisse prier, viens, donne ta vie au Seigneur. Viens, répands-toi. Répands-toi. Nous allons le voir demain avec la cruche. Ne pense pas que dans tous les combats, tu dois prier au nom de Jésus-Christ, tu montes. Bandou, koukou bengine, on y va ma oubia au nom de Jésus. Na baloji, na ba biakweri. Si vous tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, Nabal, surtout Baloge. Et quand on a mouté la bite, on a dit, non, non, non, non, non. Non. Mais il faut faire des choses faciles. Tu te présentes. L'armée céleste s'engage. Oh bien-aimé, tu te présentes. L'armée de Dieu s'engage. Si tu es en toi. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu en toi? Quelqu'un qui a la parole de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je serai avec vous. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, ses combats sont différents. Différents. On a cherché l'évangile facile. Où tous les problèmes. Milongo Mishina na mambo. Ou mambo ni shetan. Hein? Madian, c'était l'image du diable. L'image des conflits terrestres. Mais Dieu a dit, pour le vaincre, pour que je vous donne la victoire, prenez les trompettes. Prenez la parole de Dieu. Quand tu vas te présenter, ils se sont présentés, ils ont crié à l'Éternel et à Gédéon. Ils n'ont pas crié à Gédéon et à l'Éternel. On va peut-être vendredi, on va prier comme ça. Quand tu as un combat dans ta vie, abakose me mie kisha mungu. Non, non. Mungu. affiche à Gédéon. L'ordre. Je sais comment dire ça en swahili. Mupangio. Wakatunenda mumvita. Il est très important. Ni mungu ou bien ni wei. Mungu anapenda tuwini mamvita yote. Mukila mvita, Mungu atakupatia strategy. C'est pourquoi il faut unashikia sauti yako. Au tapike strategy moya kwa mvita yako yote. Non. Sauti ya Mungu ndani yako inakuwa atua ya munene juu ya kuwina mamvita. Est-ce que mangaribi ya leo mumaisha yako, munyumba yako, ndani yako, mnakuwa sauti ya Mungu? Mungu anapenda kutupatia victoire passant par la trompette. Namwambia Josué, mujunguluke tu kibumbashi kya Jericho. À la septième fois, vous allez sonner de la trompette. Écoutez, quand vous allez sonner ma trompette, chacun avancera devant soi. Milango bibumbashi byakubyoko anguka sonne de la trompette. Mumaisha yako muna sauti ya Mungu. Kibumbashi kitanguka je? C'est des messages où on ne dit pas amen, hein? Mais on doit le dire. Nous voulons prier. Je pense que je laisse un peu le temps pour la prière. On va continuer demain. Et demain, on va parler des cruches. Cruches. Dans une autre partie, comme ma victoire. Tout à fait, c'est plus compliqué. Trompette, il a représenté sauti ya Mungu ndani yako. Mais à un moment donné, les trompettes, il a quoi? Jugement ya Mungu pa dunia. Mais Léo, comme kizazi kienu, seulement, joue la trompette ndani yako. Il a sonné. On a invité à kufika, on a pika trompette. On a proclamé sauti ya Mungu. Mbingu inatenka. Ce qui est intéressant avec cette arme. Donc, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que Dieu va faire. Badu banza ku kombana sauti ya Mungu. Inafiranga kwa ba enemy yako. Batata ku kombania bobe. Der mangaribi ya leo katika jina la Yesu. Ba enemy bako ba wane bobe nyewe katika jina la Yesu. Batatayana avant moi kaishe bale pote wana kutafuta mibaya batatayana batauana bobenyewe katika jina la Yesu, parce que aujourd'hui tu vas sonner de la trompette. C'est comme ça que quelqu'un peut entrer dit muri rumieko aina mi pekini cha kumua ni fya kumua tulikuwa na ule mama tulikuwa na ule baba. J'ai déjà entendu ça. Banata kutayana en plein culte. Batu banata kushanga. No. Aina mimi mwenyewe. Yesu alinitumaka. Ule nasa hapana ina paka mie. Na ule alinitumaka. Banduku ndani ya ikanisa. Hii mwaka Mungu atafanya muujiza. Acha. Alléluia. Nous inclinons en prière. Incline-toi en prière. Commence à prier le Seigneur. Oh, aujourd'hui, Dieu te donne une arme merveilleuse. La trompette. Ririsha sauti ya Mungu maisha yako. Ririsha sauti ya Mungu munyumba yako. Turirisha sauti ya Mungu ndani ya kanisa. une parole prophétique qui annonce le changement de temps. Le changement de temps. Au nom de Jésus, tu n'as pas parlé en vain, Seigneur. Tu n'as pas parlé en vain. Tu n'as pas parlé en vain. Tu n'as pas parlé en vain. Tu n'as pas parlé en vain. Tu n'as pas parlé en vain. Par ma Isaïa, Urizema, à partir de l'eau, je te protège. Il a déclaré, ma Isaïa, Gati, Gati, la laisse. Parole prophétique. La protection par ma Isaïa, ma prophétie, la élévation par ma Isaïa, ma prophétie, tout le Seigneur. Mon Moussaïd, Moussaïd, Kati, Kati, na la Yesu. Umusaidi, umusaidi, mutina la Yesu, mutina la Yesu, mutina la Yesu. Pendant ce temps, on se tient debout, bien-aimé. Toute l'église, nous sommes debout en prière. Dieu dit à Josaphat, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que je vais vous accorder. Tenez-vous là, tenez-vous là et vous verrez la délivrance. Nyombia mwambie Mungu. Mungu muima mambo yote mu maisha yangu, mu nyumba yangu. Mimi napenda kuona deliverance yako katika jina la Yesu. Elève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne délivrance. Kuna kwa bibumbashi ya de murai mu maisha yako. Il est qu'on a empêché wingie par ile fashi Mungu anakutafutia hapa sasa. Les murailles qui entouraient Jéricho. Il n'y avait pas de conquête à Cana sans renverser les murailles de Jéricho. Il y a qu'on a quoi bibumbashi mungi yako bina kuempêcher wingie mukanana yako. Mina penda uombe. Uririshe trompette. C'est-à-dire, ririsha sauti ya Mungu. Dimanche, on va faire le tour. Ça, ça sera un autre problème. Mais imangaribia leo. Unatembea, unaririsha trompette. Kibumbashi, kile kuna kuampeshe munjia yako. Kianguke katika jina leo. Elève ta voix. Le cri, le trompette. Le cri et le mer. Mangaribia leo. Il est ma mira yote. Les murailles de ma bénédiction sont en train de tomber, de tomber, de tomber. Sors de la trompette, sors de la trompette. Je sors la puissance de la parole de Dieu en ces lieux. La puissance de la parole de la guérison. La puissance de la parole de la délivrance. Au nom de Jésus, je libère. Je libère l'armée céleste. Je libère l'armée céleste dans l'église. Je libère l'armée céleste. Je libère l'armée céleste. Dans la famille, je libère la main céleste. Dans nos vies, je libère la main céleste. Rebosse, rebosse, libère la main céleste ce soir. Libère la main céleste. Au nom de Jésus, Dieu est en train de libérer l'armée céleste ce soir. Mon vita yako. Mon gona libérer armée yakumbing. Toutes les trompettes ont été sonnées par les anges. Oh, lève ta main, bien-aimé. Ce soir, je le déclare, Dieu est en train de libérer les anges en ces lieux. Dieu est en train de libérer les anges. L'ange de ta vie, l'ange de ta vie, l'ange messager, l'ange protecteur, l'ange de Dieu, il est en train d'être libéré pour s'engager dans les combats de ta vie, dans les combats de l'église, dans les combats de ta famille. Les anges ce soir sont en train d'être libérés. Mais les anges n'ont pas la compassion. Ils exécutent les ordres de Dieu. S'il s'agit de tuer, ils tuent. Ils n'ont pas de compassion. Seul Jésus avait la compassion. Mungu mangaribi aleo. Acha ba malaika ba ikandisa ba kwe libere, libere, libere. Au nom de Jésus. Acha ba malaika ba dada, ba nduku, ba fami, ba kizazi ba kwe libere. Omina ba libere. En tant que mutumishi, en tant que serviteur, en tant que ami malaïka, waikanisa, mina autorisé libération, yaba malaïka yamung, dani ya kanisa, dani ya machamayet, dani ya mutumishi bwet, katika tina la yesu, katika tina la yesu, bale bana tukombanisha, mangaribi ya leo, ba malaïka ba mung, oh Seigneur, mina libéré. Seigneur, merci. Mina Kubarik. Sois seulement concentré pendant une minute, quelques secondes. Commence à contempler ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Pas avec tes yeux. Pas avec les yeux physique, mais avec les yeux de la foi. baduyako batajimaliza bopeke joyu Mungu unatumikia. Il est ma jugement yote set. Iko nanguka pa badu yako. Parce que toi tu as le sceau de Dieu sur ton front. Mungu mina kubariki. Mungu china la Yesu. Amen.